بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens s'imaginent qu'on les laissera dire ? Nous croyons. Sans les éprouver, nous avons certes éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Dieu distingue-t-il ceux qui sont sincères de ceux qui mentent. Ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper ? Quel mauvais jugement que le leur. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Quiconque espère rencontrer Dieu, qu'il sache que le terme fixé par Dieu arrivera bientôt. Dieu entend tout. Il est omniscient. Et quiconque faisait effort dans la voie de Dieu ne l'aura fait que pour lui-même, car Dieu se suffit à lui-même et n'a nullement besoin de l'univers. Quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits et les rétribuerons selon les meilleurs de leurs œuvres. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et lui avons prescrit ceci. Si tes parents te forcent à m'associer dans l'adoration, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. C'est vers moi que vous reviendrez. Et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les vertueux. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Dieu ». Mais s'ils viennent à souffrir pour la cause de Dieu, ils confondent cette persécution des hommes avec un châtiment de Dieu. S'il leur vient par contre un secours de la part de ton Seigneur, ils disent aussitôt « Nous n'avons cessé d'être avec vous ». Dieu n'est-il pas le mieux informé de ce qu'il y a dans les poitrines des créatures ? En vérité, Dieu connaît parfaitement les croyants, de même que les hypocrites. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient « Suivez donc notre voie, nous prendrons vos péchés à notre compte ». Mais ils ne peuvent prendre aucun péché à leur compte. En vérité, ce sont des menteurs. Par contre, ils porteront au jour de la résurrection le poids de leurs péchés et d'autres fardeaux en plus des leurs. Et ils seront certainement interrogés au sujet de ce qu'ils inventaient. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous avons vraiment envoyé Noé à son peuple. Il vécut parmi eux 1000 ans, moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils persistaient dans l'injustice. Nous sauvâmes Noé et ses compagnons à bord de l'arche. Et nous en fîmes un signe pour avertir les hommes. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. Et Abraham, lorsqu'il dit à son peuple « Adorez Dieu et prémunissez-vous envers lui, cela est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Plutôt que Dieu, vous n'adorez que des idoles et vous ne faites qu'inventer des mensonges. Ceux que vous adorez en dehors de Dieu ne peuvent aucunement vous procurer votre subsistance. » Recherchez donc votre subsistance auprès de Dieu, adorez-le et soyez-lui reconnaissant, car c'est vers lui que vous serez ramenés. Et si vous niez, d'autres communautés avant vous l'ont déjà fait. Au messager n'incombe que la mission de transmettre clairement son message. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Ne voit-il pas comment Dieu produit la création, puis la reproduit à nouveau ? Cela est certes facile pour lui. Dis, parcourez la terre et voyez comment Dieu a tout créé une première fois. Ainsi, recréera-t-il tout à nouveau. Certes, Dieu est tout-puissant. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. معجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Et vous ne pouvez vous soustraire à lui, ni sur terre ni au ciel. Il n'y a pour vous en dehors de Dieu ni protecteur ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas aux signes de Dieu et à leur rencontre avec lui, ceux-là désespèrent de ma miséricorde. Et ils recevront un douloureux châtiment. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. La seule réponse du peuple d'Abraham fut qu'on le tue ou qu'on le brûle. Mais Dieu le sauva du feu. Et il y a en cela des signes certains pour les gens qui croient. Abraham dit, c'est pour cimenter les liens entre vous, en ce monde que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez et vous maudirez les uns les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge, et vous n'aurez personne pour vous secourir. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Lot eut foi en son message. Je quitte ma demeure pour chercher refuge auprès de mon Seigneur, dit-il, car c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. À Abraham nous donnâmes Isaac et Jacob, et dans sa descendance furent établies la prophétie et l'écriture. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les vertueux. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال رب انصرني على القوم المفسدين Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vraiment, vous commettez des obscénités que nulle créature n'a commises avant vous. Avez-vous des rapports charnels avec des hommes ? Semez-vous la terreur parmi les voyageurs sur les routes ? Et commettez-vous des abominations lors de vos assemblées ? » Mais son peuple ne lui fit d'autre réponse que « Fais fondre sur nous le châtiment de Dieu, si tu dis vrai. » Lot implora Dieu, « Seigneur, donne-moi la victoire sur ce peuple qui sème la corruption. » أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Et quand nos messagers apportèrent à Abraham la bonne nouvelle, ils lui annoncèrent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ce sont des gens injustes. » Abraham répondit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui sera parmi ceux qui resteront en arrière. » جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Et quand nos messagers vinrent voir Lot, celui-ci se sentit affligé à leur vue. Car un puissant allait protéger. Mais ils lui dirent, « Ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme, qui sera parmi ceux qui resteront en arrière. Du ciel nous ferons tomber un châtiment sur les habitants de cette cité, en réponse à leur perversité. Et de cet événement, nous avons laissé un signe clair pour les gens qui comprennent. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Et à la tribu des Madian, nous avons envoyé leur frère Shuaib qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Dieu et craignez le jour dernier. Ne faites pas le mal et ne semez pas la corruption sur terre. » Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le terrible séisme les saisit et au matin, ils gisaient sans vie dans leur demeure. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Et les Had et les Samoud, ce que fut leur sort, vous le voyez clairement à leur demeure, ruinée et déserte. Satan leur avait enjolivé leurs mauvaises actions, les détournant ainsi du sentier de Dieu, alors qu'ils étaient pourtant très perspicaces. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Coré, Pharaon et Haman subirent le même sort. Moïse leur avait apporté des preuves claires, mais ils se montrèrent arrogants sur terre, et ils ne purent nous échapper. من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nous saisîmes chacun d'eux pour ses péchés. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, tandis que d'autres furent saisis par un grondement sinistre. Puis il y en eut que nous fîmes engloutir par la terre, et d'autres que nous noyâmes. Mais ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, ils se firent plutôt du tort à eux-mêmes. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ceux qui choisissent des protecteurs autres que Dieu sont à l'image de l'araignée qui se fait une demeure de sa toile. Or, la plus frêle de toutes les demeures est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Certes, Dieu connaît bien ce qu'ils invoquent en dehors de lui, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Telles sont les paraboles que nous proposons aux gens, mais nul ne peut en comprendre le sens, à l'exception des gens sensés. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. C'est en toute vérité que Dieu a créé les cieux et la terre. Certes, il y a en cela un signe pour les croyants. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqim as-salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le fait de garder Dieu à l'esprit est certainement un acte des plus importants. Et Dieu sait parfaitement ce que vous faites. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf avec ceux d'entre eux qui ont commis des injustices. Et dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé, comme en ce qui vous a été révélé. Votre Dieu et le nôtre ne font qu'un, et c'est à lui que nous nous soumettons. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ C'est ainsi que nous t'avons révélé cette écriture, et ceux à qui nous avions déjà donné une écriture auparavant y croient, de même que certains mécroient. Seuls les mécréants rejettent nos signes. Et tu ne récitais aucun livre avant celui-ci, pas plus que tu n'en écrivais de ta main droite, sinon... Ceux qui suivent la voie de l'erreur auraient eu des doutes. Mais ce Coran est fait de versets clairs au cœur de ceux qui ont reçu le savoir. Et seuls les injustes rejettent nos signes. إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Et ils disent, pourquoi des signes ne lui sont-ils pas envoyés par son Seigneur? Dis, ces signes révèlent de Dieu seul. Moi, je ne suis chargé que d'avertir clairement les gens. Ne leur suffit-il donc pas comme signe que nous t'ayons fait descendre le livre qui leur est récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Dis-leur, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et ceux qui croient au mensonge tout en refusant de croire en Dieu, ceux-là seront les véritables perdants. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Il te défie de hâter la venue du châtiment de Dieu. Si son terme n'avait pas été fixé, le châtiment les aurait certainement déjà frappés. Et assurément, il les frappera à l'improviste sans qu'ils ne l'aient pressenti. Ils te demandent de hâter la venue du châtiment, tandis que l'enfer est là, cernant de toutes parts les mécréants. Le jour où le châtiment les enveloppera de la tête aux pieds, il leur sera dit « Goûtez le fruit de vos œuvres. » كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ô mes serviteurs qui croyez en moi, certes, ma terre est vaste, alors n'adorez que moi. Chaque âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les logerons au paradis, dans des demeures élevées, au pied desquelles couleront des ruisseaux, et où ils demeureront éternellement. Quelle belle récompense pour ceux qui agissent, qui patientent et qui placent leur confiance en leur Seigneur. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Et combien de bêtes ne transportent pas leur nourriture? C'est Dieu qui pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Lui qui entend tout et sait tout. سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Si tu demandes aux mécréants qui a créé les cieux et la terre et soumis le soleil et la lune, ils répondront certainement Dieu. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent? Dieu dispense largement sa subsistance à qui il veut ou la restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Et il est parfaitement informé de toutes choses. Si tu leur demandes « Qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait revivre la terre après sa mort ?» Ils répondront certainement « Dieu ». Dis « Louange à Dieu », mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Cette vie d'ici-bas n'est que distraction et jeu futile. Quant à la demeure de l'au-delà, voilà assurément la vraie vie, si seulement ils savaient. Quand ils montent à bord d'un bateau, ils invoquent Dieu en lui vouant un culte exclusif et sincère. Mais une fois qu'il les a ramenés, sains et saufs sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Qu'ils nient donc en ingrat ce que nous leur avons donné et qu'ils jouissent des biens éphémères de ce monde, bientôt ils sauront. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Ne voit-il pas que nous avons établi pour eux un sanctuaire territorial sûr, alors que tout autour d'eux, les gens se font enlever? Croiront-ils donc aux faux et nieront-ils les bienfaits de Dieu? Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge sur Dieu ou qui nie la vérité lorsqu'elle lui parvient. L'enfer n'est-il pas une demeure pour les mécréants? Quant à ceux qui font effort pour nous, nous les guiderons certainement sur nos sentiers. Et en vérité, Dieu est toujours avec les bienfaisants.